Donc on continue. Donc, comme on l'a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, selon le sens de la traduction. Et donc personne n'est censé ignorer le but de sa présence sur terre. Car si tu ne sais pas pourquoi tu es là, comment vas-tu pouvoir concrétiser ce but? Et ce que l'on doit savoir également, c'est que ton adoration, donc qui est le but, l'adoration d'Allah, qui est le but de ta présence sur terre, pour qu'elle soit acceptée, elle doit remplir deux conditions, qui sont al-ikhlas, c'est-à-dire que cette adoration ne doit être destinée exclusivement qu'à Allah, comme Allah le Très-Haut a dit, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu d-din. Et il ne leur est ordonné que de vouer un culte exclusif à Allah. Et la deuxième condition, qui est que cette adoration, elle doit être conforme à la sunna de notre prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme il nous en a informé lorsqu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, man amila amalan laysa alayhi amruna, fahuwa rad. Celui qui accomplit une action sur laquelle il n'y a pas notre ordre, verra son œuvre rejetée. Et cela, en règle générale, c'est su par la plupart d'entre nous, walillahil hamd. Mais une chose qu'on doit savoir également, c'est que nos adorations, quelles qu'elles soient, elles doivent être bâties sur trois piliers. L'adoration est bâtie en islam sur trois piliers. Le premier de ces piliers, c'est Hubbullah, l'amour d'Allah. Le deuxième, c'est Raja'ullah, l'espoir en Allah. Et le troisième de ces piliers est Khawfullah, la peur d'Allah, le fait qu'on ait peur de notre Seigneur. Et donc celui qui adore Allah avec ces trois piliers, constitutif de cette adoration, aura parfait son adoration. Et on rapporte de certains élèves qu'ils disaient: Man abadallah bi raja'i wal khawfi wal mahabbati fahuwa abdun muwahhidun. Celui qui adore Allah azzawajal avec l'espoir, la peur et l'amour, c'est lui le serviteur muwahhid, c'est-à-dire qui a concrétisé l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala a illustré ces trois piliers avec l'image d'un oiseau. Et il a dit que la peur et l'espoir ont le statut des ailes. Et l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le premier de ces trois piliers, est pour l'adoration ce que la tête est pour l'oiseau. Donc toute adoration que l'on accomplit doit être constituée de ces trois éléments pour que celle-ci soit parfaite et complète. Donc le premier de ces piliers, c'est, on a dit, al-mahabba. L'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui l'impulsion. Pourquoi on adore notre Seigneur? Parce qu'on aime Allah subhanahu wa ta'ala. C'est notre Seigneur, notre Créateur. Et l'être humain, en règle générale, il a été créé ainsi, dans sa fitra, il aime pour deux grands facteurs. Le premier de ces facteurs, c'est le beau, la beauté, la perfection. L'être humain, il a été créé ainsi. Il aime ce qui est beau. Il aime ce qui est parfait. Et le deuxième facteur qui en règle générale pousse l'être humain à aimer autrui, c'est al-ihsan, la bienfaisance qu'on peut avoir envers soi. Si quelqu'un se montre bienfaisant envers nous, cela nous pousse en règle générale à l'aimer, à avoir de bons sentiments à son égard. Et si on médite à propos de notre amour envers Allah subhanahu wa ta'ala, on s'aperçoit qu'il mérite pleinement, de manière absolue, notre amour pour ces deux facteurs. Premièrement, le beau, al-jamal. Inna Allah jamil, yuhibbul jamal. Allah est beau et il aime la beauté, comme il a été rapporté par Ibn Mas'ud et le hadith se trouve chez Muslim. Donc Allah se caractérise par la beauté et bien entendu une beauté sans comparaison aucune avec celle de ses créatures. Tellement beau que la plus grande ni'ma, le plus grand des bienfaits des gens du paradis sera de le regarder. Ils savoureront ce délice au point d'en oublier tous les autres délices du paradis. Comme il est venu dans l'authentique de Muslim, rapporté par Suhaib radiallahu anhu. À propos des gens du paradis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Fama u'tu jay'an ahabbu ilayhim. Il n'y a pas une chose qui leur a été accordée qu'ils aiment plus que cela, c'est-à-dire que de regarder leur Seigneur. Et de même, comme on le sait, Allah azawajal, il a les plus beaux noms. Walillahil asma'ul husna, fad'uhu biha. Ou encore Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Allah la ilaha illahu, lahu al-asma'ul husna. Allah point d'autre divinité que lui, il a les plus beaux noms, selon le sens approximatif de la traduction. Wa kadhalika Allahu jamil fi awsafihi, il est beau dans ses caractéristiques. Awsafuhu kulluha awsaful kamal. Ces caractéristiques sont tous des caractéristiques de perfection. Donc Allah est aimé pour ce qu'il est, c'est-à-dire al-ilah, la divinité, l'adoré. Il est aimé pour ses noms, ses attributs qui sont tous parfaits, et il est aimé pour ses actes qui sont tous parfaits également. C'est donc un amour absolu que l'on doit à Allah. Et si on médite le deuxième facteur pour lequel l'être humain est enclin à aimer, qu'on a cité tout à l'heure, on a dit c'est la bienfaisance qu'on peut avoir envers nous, si on médite cela, on trouvera qu'il n'y a pas plus bienfaisant envers nous qu'Allah. Il n'y a pas un bienfait sur toi, ya Abdallah, ya Amatallah, sans qu'il ne provienne d'Allah. La vie, c'est lui qui te l'a donné, la santé, c'est lui qui te l'a donné, les biens matériels, la descendance. Si on voulait dénombrer les bienfaits d'Allah sur nous, on ne le pourrait pas. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, inna al-insana la dhulumun kaffar. Or, si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez jamais en arrêter le nombre. L'homme est vraiment beaucoup trop injuste et ingrat, selon le sens de la traduction. Donc tout provient de lui. Tu ne peux pas trouver plus bienfaisant envers toi, ya Abdallah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si on médite sur cela, cela doit entraîner notre amour. Car comme le disent les Arabes, al-mar'u asirul ihsan, l'homme est prisonnier de la bienfaisance. Car celui qui était bon envers toi, ça te pousse à être reconnaissant envers lui. Donc Allah mérite notre amour absolu. Car c'est lui qui a les plus beaux noms, les plus beaux attributs, les plus beaux actes. Et c'est lui également le plus bienfaisant envers nous. Et cela sans égal. Et c'est pour cette raison que fait partie de la douceur de la foi qu'Allah soit celui qu'on aime le plus en dehors de tout. Comme il est rapporté dans ce hadith, notamment par le Bukhari et d'autres, qui nous parlent des trois choses qui font partie de la douceur de la foi. Et parmi ces trois choses, il y a « An yakun Allah wa rasulahu ». أحب إليه مما سواهما. Qu'Allah et son messager soient plus aimés auprès de lui que tout autre. Et c'est cet amour d'Allah qui engendre ou qui est l'impulsion qui nous pousse à l'adorer. Donc il n'y a pas de foi sans amour d'Allah. Et il n'y a pas de limite à l'amour d'Allah. Plus tu aimes ton Seigneur, plus tu iras vers son adoration. Contrairement à la peur et à l'espoir qui, eux, doivent avoir des limites sous peine de sortir du droit chemin. Et cet amour, Ibn al-Qayyim lui a donné le statut de la tête pour l'oiseau. Si vous coupez la tête de l'oiseau, il meurt. Si vous coupez l'amour, c'est notre foi qui meurt. D'autres comme Cheikh Abdelrazzaq al-Badr, hafidhahullah ta'ala, a dit que l'amour était pour la foi ce que l'âme est pour le corps. Une âme, un corps, ne peut pas vivre sans âme. Et bien de même, ta foi ne peut pas vivre sans amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et toujours Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, donne à la peur et à l'espoir, comme on l'a dit, le statut des deux ailes pour l'oiseau. Si vous coupez l'une des deux ailes, l'oiseau ne pourra pas voler et il aura un cheminement bancal. De même, si vous ôtez la peur ou l'espoir de votre foi, votre cheminement religieux ne pourra pas être correct. Si vous n'avez que de l'espoir, alors vous n'avez pas ce qui vous empêche de commettre des péchés. Car c'est la peur d'Allah qui nous empêche de commettre des péchés. C'est le fait de savoir qu'on va se présenter devant lui et devoir rendre des comptes. Et si vous n'avez que la peur, c'est le désespoir qui vous guette. Car c'est l'espoir d'Allah qui nous pousse à continuer de faire des efforts malgré nos fautes que nous commettons quotidiennement. Car on sait qu'on a un Seigneur qui est pardonneur. Et si vous observez attentivement la sourate al-Fatiha, qu'on récite au minimum 17 fois par jour, si on observe attentivement cette sourate, on verra qu'il y ait clairement stipulé ces trois piliers. Dans cette sourate, il y a l'évocation de l'unicité. « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in » C'est toi seul que nous adorons et c'est à toi seul que nous demandons de l'aide. Mais si on regarde bien avant d'arriver à ce verset « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in » qui affirme clairement l'unicité d'Allah dans l'adoration, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les trois piliers d'adoration sont évoqués. On commence la sourate en disant « Alhamdulillah ». Toutes les louanges reviennent à Allah. Et la louange, c'est comme l'a défini Ibn Taymiyyah, « Dhikru sifat al-mahmoud ma'a mahabbatin wa ta'zim ». C'est l'évocation des caractéristiques de celui qu'on loue, des belles caractéristiques de celui qu'on loue, avec amour et vénération, glorification. Et c'est Al-Hamd, comme Al-Tabari l'a dit dans son tafsir, en rapportant cela d'Ibn Abbas, c'est le remerciement et la reconnaissance de ses bienfaits. Donc ce verset nous rappelle les innombrables bienfaits d'Allah envers nous, ce qui ne peut que provoquer notre reconnaissance et notre amour, car il est le bienfaiteur par excellence. Ensuite on dit Ar-Rahman Ar-Rahim, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Qu'est-ce que cela évoque quand on récite ce verset? Qu'est-ce que cela engendre chez nous? Qu'est-ce que cela suscite? Ça suscite l'espoir. L'espoir de se voir accorder sa miséricorde, son pardon. Et cela nous empêche donc de désespérer malgré nos fautes, nos manquements à son égard. Comme pour te dire, Ya Abdallah, Ya Amatallah, peu importe ce que tu vas pouvoir commettre comme faute, et tu en commettras certainement, tu as un Seigneur qui est miséricordieux et qui est prêt à te pardonner. Et si tu commets des grands péchés, sache que la porte du repentir est ouverte. Et ensuite on dit, Maliki Yawmiddin, le maître du jour du jugement ou le roi du jour des comptes, selon le sens de la traduction. Là, qu'est-ce qu'on a comme idée? On a l'idée que l'on va comparaître devant lui. On va devoir rendre des comptes de tous nos actes, nos paroles, nos regards, nos silences. Et qu'on aura un jugement au poids de l'atome. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Et celui qui fera le poids d'un atome de bien le verra, et celui qui fera le poids d'un atome de mal le verra. Et donc là, ça évoque quoi? Qu'est-ce que cela suscite? Ça suscite la peur. On prend conscience, oh attention, il est miséricordieux, mais on va devoir lui rendre des comptes. Et comme il est dit dans certains versets du Coran, إِنَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ, il est dur en punition. Donc on a Alhamdulillah, ça suscite l'amour. Ar-Rahman Ar-Rahim, ça suscite l'espoir. Maliki Yawmiddin, ça suscite la crainte. Et lorsque ces trois piliers sont là, ces trois piliers de l'adoration sont en place, c'est là que vient le verset de l'adoration. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Car c'est à ce moment-là seulement que l'on peut adorer correctement Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque dans notre adoration il y a l'amour qui est l'impulsion, l'espoir et la crainte. On revient au livre, Inch'Allah. Shir ensuite nous dit, donc on continue.